vous êtes assez fait. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Alexandrine Pichissier tournera la manivelle de sa boîte à surprise dans les précieuses vides découvertes. Et Tania Scalette-Tetenia mettra la main sur le volant de sa machine dans sa chronique campiste avec Tania Baudin. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce jeudi 19 novembre 2015, 159 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plantin. Et moi, Tania Baudin. C'est Tania. Salut, ça va bien? Oui, les matins sont difficiles en novembre, hein? Particulièrement ce matin. Oh boy! Ça commence difficilement. Mais on est à la fin de la semaine, c'est peut-être juste ça en fait. Nos jeudis semblent beaucoup plus difficiles que nos lundis en fait. Peut-être aussi, c'est prêt à avoir animé le matin et l'après-midi deux jours de suite. C'est ça. Ça fait ça, je pense. Oui, parce que, en fait, toi, t'animes le mercredi, là, pas moi. Pas toi, mais toi, tu vas être en pareil, hein? Hey! On s'en parlera pas. On s'en parlera pas, pas tout en onde. Mais pour nous tenir compagnie en ce début d'émission, accueillons Alexandrine Pichessir. Salut! Bon matin! Ça va? Ça va, vous? Hey, tu dis combien de jours il reste avant la fin de l'année scolaire, mais combien qu'il reste de jours avant que je puisse ouvrir mon calendrier de l'Avent? C'est pas le 1er décembre, ça, donc oui. Il reste 20 jours. Oh mon Dieu, j'ai hâte. Moi aussi, j'ai hâte. Avez-vous le vôtre? Parce que moi, j'ai reçu le mien hier. Je dois avouer que là, elle le sait parce que je lui ai dit. Ma mère a eu un manque de ce côté-là cette année. Oh non! Ouais, on n'a pas encore notre calendrier de l'Avent. Mais là, c'est pas grave, il n'a pas commencé encore. Je l'ai vu, elle commence à fouiner autour des racks de calendrier de l'Avent en chocolat. Là. Ah, ouais. Mais sinon, j'ai un calendrier de l'Avent en chandelle. Wow! J'ai vraiment hâte de le commencer. C'est une petite chandelle par jour. C'est vraiment cool. Faut prendre le temps de relaxer. C'est long à ce qu'une petite chandelle soit passée au complet. Donc c'est pour relaxer avant Noël. Ouais. C'est vrai que c'est les mamans qui nous donnent les calendriers de l'Avent. Pas le choix. Tu peux pas Toto acheter un calendrier de l'Avent, je trouve. Mais à chaque année, je vais vous expliquer quelque chose, puis ça me frustre du plus profond de mon être. À chaque année, je veux le calendrier de l'Avent des Vétiti. Okay, oui. Puis là, je tête tout le monde de mon entourage. Ah, il est beau, hein? J'aimerais ça l'avoir. Puis je l'ai jamais. Ah. Mais chaque fois que je me tente, je me dis, je vais me lâcher moi-même, ben il n'y en a plus. Ça, là, C'est frustrant, oui. Oui, c'est frustrant. Mais bref, hier, j'ai reçu mon calendrier de l'Avent Lindt de ma maman. Ah, Lindt! Oh, oui! Ma mère a tellement du goût. C'est une vraie précieuse. Apparemment que le Laura Secord est très bon aussi. Je suis moins Laura Secord. Moi, je suis plus Lindt et Kinder. Et on parle dans la chronique de Gadget Inutile souvent de calendrier de l'Avent avec de l'alcool. Wow. Des shooters de vodka qu'il y avait hier. Je crois qu'il y avait du café à un moment donné. Peut-être, mais tu sais, mettons, prendre une petite shot de vodka en te levant le matin. Ben non, mais c'est pour le soir, ça remet ça à la bonne place. Ben, quand de l'Avent, c'est en se levant le matin. En tout cas, quand j'étais petite, mon chocolat, c'était le matin. C'est sur l'heure du déjeuner. Je connais pas les règles de ça, moi. Ah ouais? T'en as-tu un calendrier de l'Avent? Non, mais là, j'en veux un. Officiellement, vous en avez parlé, j'en veux un. Ok, Tania, fouillant. Okay, on devrait en faire un homemade. Homemade, wow! On devrait. Bon. Est-ce qu'on parle de l'émission d'aujourd'hui, les amis? Oui! Ben en fait, ça inclut pas grand-chose autre que toi, Alexandrine Pichessir. Oh, mais quel autre que moi. Tu t'en vas dans quelques minutes. On a aussi la chronique de Tania, mais ça, c'est pas une chronique de collaborateur, c'est moins... C'est une chronique maison, en fait. Oui! Hein, c'est ça. C'est comme une bonne vieille sauce à spag. Oui, ça goûte l'amour, ça, non? Et aujourd'hui, on fait en piste avec Tania Baudin dans ta chronique aujourd'hui. Oui! Je vais vous parler de où est-ce que je m'en vais, en fait, en cette fin de semaine. Pourquoi je vais, puis ça sert à quoi tout ça? Ouais, pourquoi? Voilà. Tu nous quittes, pourquoi tu seras pas là lundi? Mais c'est pas grave, peut-être qu'Alexandrine va être là. J'aurai pas le choix de me lever. Je pense que oui. Maintenant que je l'ai dit à la radio, Alexandrine n'a plus le choix. Ça commence très tôt. On va aussi faire une grosse pointe en dresse, la chronique qu'on goûte à quelque chose qu'on a acheté dans un magasin qui n'a pas de classe. Oui, c'est quoi cette semaine? À chaque fois, je veux savoir, je suis trop de bonheur. Tu peux le savoir avant la chronique, c'est une surprise. Je me dirais hors d'onde. Ah, peut-être. On fera ça. Peut-être, mais faut pas que Tania entende. Ok. Non. Bon.

Exactement. Oui, je suis une experte du rire. Est-ce que tu nous amènes à la pause en riant? On va s'envoyer une pause. Après la ben pause, oui. Il va y avoir ta collègue à toi, Talia Baudin. D'accord. Donc, on s'en va en pause. Vous écoutez Assemblage Ricky sur les ondes de Sifu 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Ricky est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Rocky en ce jeudi 19 novembre 2015. C'est Talia Baudin. Et Mathieu Plante. Ah, exactement, exactement. Et on sait jamais trop à quelle heure ta chronique se passe, mais on sait qu'elle est entre les autres chroniques. Oui. C'est comme une chronique fourre-tout. Mm-hmm. C'est un peu louche du même, hein? Comme ouais. Si ta chronique a fourré c'est... tout. C'est... Ouais, non, c'est... On va laisser faire ça. C'est de mauvais goût, je trouve. Sonia is gonna entertain you. C'était une petite Tania qui voulait faire. Qui voulait être pro des médias, c'est ça? Oui. Fait qu'elle est allée à l'école, c'est pas rien. Qui maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna entertain ya! On est en train d'enregistrer une chanson en ce moment. Oui, c'est pour ça, hein? C'est ça, pour Assemblage Rocky. Spoiler alert, ça s'en vient dans les prochaines semaines. Mais on enregistre cette chanson-là depuis hier et on a une mélodie dans la tête. On sait sur quel beat la faire, je pense. Fait que là, toutes nos beats sont dans notre tête. C'est ça. Mais ça marche pas avec tout, hein? Ça marche pas, puis les paroles sont pas les mêmes. Ouais. Je dirais que les paroles de l'autre sont assez simples. Mettons. Et ressemblent étrangement aux paroles de la chanson thème d'Assemblage Rocky, je sais. Donc, c'est Tania is gonna entertain ya. Oui. Et chaque semaine, chaque jour, en fait, je parle de quelque chose de différent. Et mm-hmm. aujourd'hui, ça se donne que c'est En Piste avec Tania Baudin. Mm-hmm. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Assemblage Ricky pour toi aujourd'hui. Ce matin d'un événement, en fait. Ça fait quelques semaines qu'on le dit là, que je m'en vais cette fin de semaine. On l'a dit en début d'émission aussi. Mais où est-ce que je m'en vais exactement? Je m'en vais à Las Vegas. Las Vegas! Las Vegas! Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois que je dis où je m'en vais, les gens pensent que genre je m'en vais tourner un film pornographique ou que je m'en vais faire de la prostitution. Ou voir Céline. Ouais. Non. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Mais comme, pourquoi ils pensent automatiquement, ils associent Las Vegas avec la prostitution et la pornographie. Est-ce que c'est parce qu'ils te connaissent mieux que moi? Non, je sais pas. Non, vraiment pas. Je ne tournerai jamais de film de ce genre-là et je ne me prostituerai jamais. Ah, OK. Non. Ouais. Non, mais je sais pas. Mais oui, mais là, tu sais, que veux-tu? Pourquoi est-ce que je m'en vais à Las Vegas? En fait, j'y vais pour, justement, la course automobile, d'où la chronique En Piste avec Tania Baudin ce c'est matin. C'est ton deuxième métier, ta deuxième vie. C'est, ouais, ben, tu dirais peut-être ta première vie, c'est ça, ouais. C'est peut-être plus ma c'est première fou, vie. C'est fou, là, ouais. Hein, quand j'ai le temps, c'est exactement. Fou. Exactement. Ouais. En fait, pour certains le savent, je suis chroniqueuse, je ne sais pas trop comment décrire ça, reporter en course automobile. Journaliste même, ouais, quasiment. J'aime pas le terme journaliste, mais bon, je fais de la télévision en course automobile et ça m'amène à voyager quand même assez beaucoup pour certains événements. Et là, justement, l'événement qui prend place à Las Vegas, c'est le Supercart USA Super Nationals. Supercart USA Super Nationals. Supercart USA Super Nationals. Le SKUSA-SN. Mais justement, c'est quoi cette bibitte-là? Ça mange quoi en hiver? Et pourquoi est-ce que c'est à Las Vegas? Oui. Mais en fait, c'est... Quel porn est-ce qu'on tourne dans ces chars-là? C'est ça. C'est pas très, très compliqué. Le Supercart USA, c'est un des plus grands événements de karting, de compétition en Amérique du Nord. Et ça prend place justement à Las Vegas. Après une série de courses qui sont produites durant la saison normale, en fait. Donc, on arrive à Las Vegas et c'est la finale. Mais cette finale-là, elle regroupe plus de... Je te dirais, Mathieu, que ça arrive parfois qu'ils regroupent plus de 550 pilotes au complet. Là. Il y a des pilotes de grande renommée qui ont déjà participé à cet événement-là et qui participent encore. D'ailleurs, il y a déjà eu Michael Schumacher qui, dans le passé, est venu participer à l'événement qui prenait place au Rio, le fameux hôtel de Rio à Las Vegas. Ouais. Si je me souviens bien, Barrichello y a déjà été aussi. Pilote de NASCAR, AJ Allmendinger y a déjà été. Il y a des pilotes d'IndyCar aussi qui ont déjà participé à cet événement-là. C'est un événement qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'envergure parce que ça fait parler, parce que justement, il y a beaucoup de pilotes et il y a la compétition qu'on attend. Quand on parle souvent de karting de compétition, les gens vont faire comme « Ouais, ben moi aussi, j'en fais du karting, tu sais, comme si je vais, si je vais à côté de l'autoroute. » Là, il m'en prête un, puis je peux en faire. Non, détrompe-toi, c'est pas du karting de compétition. Ouais. Là, je te parle d'un karting de compétition où ça peut aller jusqu'à 125 km/h à 3 pouces du sol. Shit! Tu sais, hein? C'est quelque chose. Et de voir des pilotes, justement, qui ont quand même un très bon passé, là, disons-le, quand Michael Schumacher participait à cet événement-là, il avait déjà été champion du monde de Formule 1 quand même. Alors, de voir que ces pilotes-là s'intéressent à un événement comme celui-là, c'est sûr que ça fait aussi remonter, ça fait mousser un peu l'envergure quant à cet événement-là, mais ça fait aussi mousser la compétition, justement. Quand on dit qu'un gars qui a déjà été champion du monde de Formule 1 s'intéresse à une compétition de karting, est-ce que A, il veut juste se garder en forme pendant la saison morte? Est-ce que B, il a vraiment un intérêt pour ça? Ou c'est juste parce qu'il veut show-off? Ou 3, il y a du fun? Et à chaque fois que j'ai eu la chance d'interviewer un de ces pilotes-là qui a quand même une carrière assez montante en course automobile, à chaque fois, on est revenu à la même chose. Le karting, c'est la base de tout. C'est là qu'on est arrivé quand on était jeune. C'est là qu'on a commencé à avoir la piqûre. Et pourquoi pas y revenir et simplement s'y réintéresser. Oui, ça garde en forme, c'est sûr et certain. Mais c'est surtout justement tout ce thrill-là que je dis quand je dis le niveau de compétition, c'est de voir à quel point est-ce que ça change aussi le karting. C'est plus ce que c'était dans le temps. Il faut, faut arrêter de penser que le karting, ça roule à 40 km/h. Là. C'est ça. C'est plus ce que c'était et c'est devenu aussi une business. Mais ça, je vais y revenir un petit peu parce que vous allez voir, ça va rentrer un peu dans la mission qu'est l'événement en tant que tel. Mais l'événement lui-même, ça l'a passé de propriétaire en propriétaire à deux reprises, en fait. Ça a été créé par Ken Getchell dans le début, dans le milieu des années 90. Et on est rendu à 17 ans d'existence quand même. C'est la 17e édition cette année. J'essaie de calculer rapidement, 3 ans que j'y vais, ça va être ma 4e année cette année. Ouais. Beaucoup de changements cette année, vous allez voir, je vais vous l'expliquer un petit peu. Mais quand même, tout ça a commencé en 1994, donc juste de voir l'évolution du karting de 94 à aujourd'hui et de voir l'évolution de l'événement, c'est quelque chose qui est incroyable. Je le disais, c'est Ken Getchell qui a créé l'événement, mais c'est Tom Kutcher et sa femme Patty Kutcher qui en ont pris les rênes en 2005-2006 et qui en ont créé vraiment un Moses de gros événements de course automobile. Et c'est là que moi j'ai commencé à m'y intéresser vraiment beaucoup parce que j'en entendais parler même ici au Québec. C'est pas seulement une course. Oui, en temps normal, le Supercart USA, ça le dit dans le nom, c'est juste aux États-Unis. Mais l'envergure de l'événement, du dernier événement qui prend place à Las Vegas, a tellement grandi avec les années que c'est devenu une épreuve internationale. Il y a des pilotes du Québec, il y a des pilotes du Canada en entier, il y a des pilotes de l'Italie, il y a des pilotes de l'Europe, il y a des pilotes, mon Dieu, il y a des pilotes de vraiment partout, il y a des pilotes brésiliens qui descendent. C'est pour ça qu'on a un nombre intéressant et grandissant de pilotes dans cet événement-là, parce que justement, il y a le niveau de compétition qu'on s'attend. Je dirais quasiment que ça s'en vient aussi gros que le championnat mondial qui est Rotax. Non. Ce sont deux... Tu sais, là, je sais que tu connais pas vraiment non, ça. Non, mais j'ai entendu le mot Rotax souvent, ouais. Je me demande ce que c'était, donc ouais. C'est une catégorie de kart en question, de moteur de kart. Et le Scusa, c'est une toute autre chose. C'est vraiment deux entités différentes, mais il y a beaucoup de pilotes qui vont courser en Rotax ici au Canada, qui vont quand même participer au Scusa, parce que justement, ce sont deux sortes de karts différents. Et c'est de là de voir à quel point t'es un très bon pilote. Si t'es capable de justement gagner en Rotax, vas-tu être capable de gagner en Shifters? Ouais. C'est là la question. Si t'es capable de faire les deux et que tu domines dans les deux, moi je te lève mon chapeau parce que c'est vraiment différent et c'est vraiment difficile. Mais c'est de voir justement tout ça mis ensemble dans un événement où, qui devient international et de voir la passion des gens. Tu sais, il y a des gens qui se comprennent même pas quand ils se parlent rendus là-bas, mais de voir la passion et de voir justement ce thrill-là des personnes sur la piste qui vient tous se rejoindre et qui fait en sorte que c'est comme un immense party finalement. Ouais. T'sais, en plus, évidemment, c'est entouré de tout ce qui est ambiance Las Vegas. Là. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des pilotes qu'il y a des pornes, donc il n'y a pas de pilotes. Ben oui, il y en a, mais ça, c'est différent. Prononcé comme faux, là. Oui. C'est ça. Il y en a, mais ça, c'est, oui, c'est une autre histoire. Mais c'est ça. Mais tu sais, il n'y a pas juste... Tu sais, en plus, en karting, il n'y a pas juste des adultes. Il y a des jeunes aussi. Donc, il y a quand même des jeunes qui voyagent à Las Vegas pour justement peut-être avoir la chance de mettre la main sur certaines bourses. Je pense que c'est pour ça aussi que l'événement est rendu aussi gros que ça. C'est qu'on offre des bourses à la fin de ce championnat-là et surtout à la fin de cet événement-là. C'est de voir qu'aux États-Unis, mon Dieu, ça marche le monde simple du karting. Mm. Simple est un mot très grand là, ici. Il y en a beaucoup qui diraient « c'est pas tant simple que ça ». Mais la simplicité du karting, d'en faire un monde en lui-même. Tu sais, souvent, tu vas jaser avec des pilotes de course, exemple justement de NASCAR, Indy, Formule ou peu importe, qui vont te dire « tu dois commencer par le karting ». Mais maintenant, le karting, c'est pas juste « tu dois commencer par là », c'est aussi « tu peux rester là ouais ». C'est devenu quasiment une discipline en son art et c'est pourquoi c'est un peu la mission en fait du Scusa de démontrer que le karting s'est rendu une discipline grandissante partout dans le monde. Tu peux gagner ta vie en faisant du kart. Rares sont les personnes qui arrivent à le faire, mais c'est possible ouais maintenant. Donc, c'est un peu leur mission d'ailleurs que de promouvoir ça, de faire en sorte que non seulement, oui, le kart, tu commences par là quand tu veux faire la course automobile, mais tu peux y rester. Alors, le Superkart USA, je dois l'avouer, c'est une très belle série. Comme je l'ai dit, c'est une série de plusieurs événements durant l'année, mais quand tu arrives à la finale, toute l'envergure qu'il y a autour de ça, ça vaut tellement la peine. Et c'est pourquoi j'y vais. Là, j'arrive au fameux moment. Ouais, mais toi, tu fais quoi là-bas? Là? Ouais, là-dedans, c'est quoi là? Tu tournes des porn? Je tourne des affaires, mais pas du porn. Les pouces, tu tournes les pouces, fériés. Je me tourne les pouces, exactement. Tu tournes les trucs de slot machine, puis, non? C'est ça. Okay. Non, bien, en fait, il y a quelques années, j'ai mis sur pied. Là, je fais comme une phrase. Tu as commis sur pied, quelqu'un a mis sur pied avec toi quelque chose. Oui, exactement. Ça, okay, ouais. J'ai commis sur pied une web série qui allait simplement parler de course automobile. Ouais. La première année que je me suis rendue à Las Vegas, en fait, j'étais en collaboration avec un site qu'on appelle flagworld.com, qui est un site internet entièrement de course automobile. Ouais. Et je faisais des vidéos, en fait, pour eux. Par la suite, la deuxième année que j'y suis allée, c'est là que j'avais déjà mis sur pied cette espèce de web-série, web-télé-là, qui allait parler simplement de course automobile. On a réussi à en faire quand même quelque chose de bien. Je dois avouer que c'était peut-être pas au niveau que nous, on l'espérait, selon ce qu'on avait. L'année dernière, on a perdu tout. Hein? Quoi? Tout ce qu'on avait filmé. Comment ça, donc? À cause de certains problèmes de transfert de cartes mémoire et de... Ah, de transfert de... Ouais, non, ben, ça... Voyons, non? On a perdu pas mal d'images, alors malheureusement, on n'a pas réussi à faire ce qu'on voulait faire. Tu fais des backups depuis ce temps-là, hein? Oui, exactement. Ouais. Et cette année, j'ai décidé d'y aller d'une autre façon, en fait. De peut-être remettre sur pied cette fameuse web télé-là qui parle de course automobile, mais de la faire un petit peu plus... personnel. Ouais. De la faire moins documentaire, de la faire plus « je t'amène avec moi ». Moi, Tania Beaudin. Moi, Tania Beaudin, oui. Je t'amène avec moi à Las Vegas. Je vais de la porn. Puis, tu sais, si j'ai le goût de poser une question à quelqu'un, je vais y poser, mais tu vas être là avec moi, puis tu n'auras pas l'impression que c'est vraiment seté pendant une demi-heure avant de le faire. C'est un peu la mentalité que tout le monde a sur Internet ces temps-ci. Là, je te dirais les fameux vlogs, les fameux blogs. C'est un peu comme ça que je vais y aller cette année avec cette optique-là. Voir peut-être que ça va plus pogner. Je sais pas. C'est une tentative. On essaie des affaires. C'est ça. J'essaie quelque chose parce qu'on le sait, dans le domaine de la télévision comme dans le domaine de la radio, il faut que tu te fasses voir beaucoup si tu veux te rendre à un certain point. Et oui, je veux me rendre à un certain point en course automobile. Alors, c'est pourquoi j'y vais. Mais aussi, dernièrement, j'ai annoncé sur mon Facebook. Oui, j'ai vu ça passer. Que j'avais une nouvelle collaboration avec un blog qui est la Multiculturelle en cavale, un site de voyage. Un blog de voyage, mais surtout d'impressions de voyage. Et on m'a approché pour tous les voyages que je fais justement dans le domaine de la course automobile. Donc, non seulement j'y vais pour la web télé, mais j'y vais aussi pour écrire un article sur ce fameux voyage-là à Las Vegas et pourquoi j'y vais versus la course automobile. Et ça va être une série, en fait, sur le blog durant toute l'année parce que là, évidemment, ça va être la saison morte, là. Mais ça va être une série sur tout ce qui est course automobile et je vous prends avec moi, mais je vous l'écris. Tu sais, je vous le montre pas. Je vais vous le montrer. En texte, oui. C'est ça. Je vais vous le montrer sur ma web série ou si jamais TSN me rappelle. 8-9-3-7-6-5-8-3. C'est ça. Mais là, je vais vous l'écrire. Je vais vous le partager par écrit avec ce blog-là et je suis vraiment contente, en fait, que Marjolaine, la créatrice de ce blog-là, m'ait approchée de ce côté-là parce que je pense que ça va apporter peut-être un côté plus féminin à la course automobile et peut-être même plus personnel, justement. Ouais. Et qui sait, on va peut-être faire de nouveaux intéressés de la course automobile avec cette affaire-là. Ce serait le fun. Ce serait très le fun. Plus t'en parles à plein d'endroits, comme assez fou, plus il y a des gens qui vont aimer ça. Mais c'est ça. Oui. C'est ce qu'il faut, en fait. Voilà. Et je me suis comme donné cette mission-là, moi, personnellement, d'en faire la promotion de la course automobile, non seulement que ce soit course automobile en voiture, mais surtout le karting de compétition. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas c'est quoi exactement ce fameux karting de compétition-là. Donc, c'est aussi dans cette optique-là que je m'envole demain matin. Demain, vendredi matin? Demain, vendredi matin, à 6 heures. Oh boy! Ouais. Tu vas arriver là à quelle heure? 4 heures. Ben, il faut que j'arrive à l'aéroport à 4 heures. Du matin? Du matin. Aïe, aïe. Oui, c'est un vol international, donc c'est 2 heures. C'est ça que tu m'avais dit ce soir. Heures, mais ouais. Ce soir, voulait dire très tard dans la nuit. Oui, c'est ça. Ben, c'est parce qu'en fait, je pars en fin d'après-midi pour Montréal parce que je reste chez une de mes amies. Et donc, ouais. Ben, l'amie qui part avec moi en question. Ben oui. Parce que je pars pas toute seule. On va l'appeler Cynthia. Oui, appelons-la Cynthia. On invente un nom demain. Salutations, Cynthia. Donc, oui, c'est important, je pense, que d'essayer de faire la promotion du sport qui te passionne et qui pourrait aussi en amener d'autres à se passionner de ça. Donc, c'est un peu la mission que j'ai cette année, de rendre tout ça personnel, de rendre ça convivial, mais aussi de rendre ça comme un journal de voyage, un peu. Oui, c'est cool. Je pense que ça va donner quelque chose de bien. On va essayer de faire le plus de backup possible pour garder toutes les images. Le Dropbox va se faire aller, le Google Drive. Ça va être assez fou, ouais, merci. 89 ans. Oui. Puis, mardi... Lorsque je reviendrai. Parce que tu seras pas là lundi, on l'a déjà dit. Ouais, non, c'est ça, je serai pas ici lundi. Peut-être que je serai au téléphone et je sais pas mardi encore. Matin. Ah, lundi. Lundi matin, ouais. Ah, là, ça, tu me ferais triper comme des bulles. Tu sais, comme à l'aéroport. J'aimerais vraiment ça. Ça serait bien, on pourrait faire ça. On pourrait essayer de faire une cote directement de l'aéroport. Parfait. Quand je reviens. J'ai hâte. Puis mardi, en fait, bien, ça sera ma chronique, encore une fois, en piste avec Tania Beaudin. Puis là, je vous raconterai comment ça s'est passé. Wow. Parce que... il faut quand même prendre en considération qu'il y a beaucoup de Québécois et beaucoup de Canadiens qui se rendent là-bas justement pour essayer de voir à quel niveau ils sont, essayer de voir leur niveau de compétition. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous parler. Les Québécois et les Canadiens qui voyagent justement pour faire du monde de la course automobile un domaine de vie. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir... est-ce que tes capsules vidéo vont être postées en même temps que ton voyage ou est-ce que tu vas faire ton retour? Non, c'est ça. Honnêtement, on a essayé l'année dernière. C'est extrêmement compliqué. Ouais. que de tout monter dans un laps de temps, parce qu'il faut comprendre que là-bas, ça commence à courser à 7 heures le matin, mais vu que c'est un événement spécial, ça finit à 9 heures le soir. Ouais. C'est extrêmement difficile que d'essayer de tout monter simplement en étant deux personnes et de mettre ça sur les réseaux sociaux, surtout que faut qu'on Internet retourne aussi, puis... ouais, c'est ça, ouais. Faut retourner dans la chambre pour tout monter, c'est extrêmement compliqué, mais je vous promets que je en dedans de Je ne promets pas trop d'affaires. En dedans d'un mois, voire même... En 2015? Moi, c'est ça, 2015. Okay. En dedans, je vais essayer un gros chiffre. Dans cette décennie, en tout cas. Deux semaines et demie. Donnez-moi deux semaines et demie de montage. Okay. Puis, je vais essayer de faire mon gros possible pour tout vous mettre ça c'est dans comme tes, c'est comme tes codes de 3,5 sur 5. Le 5 veut rien dire. Mais donnez-moi deux semaines et demie. Hey, deux semaines et demie en montage, ça change de quoi. OK. Un et deadline. Tu fais 5 pieds 2 et demi aussi, c'est ça? 5 pieds 3 et demi. mais oui, c'est ça que je vais faire. Donc, c'est pour ça que je serai pas là lundi. J'espère que vous me pardonnez. Ben oui, tu le dis à l'avance en plus, tout ça. Oui, exact. Ben oui, c'est pas comme la dernière fois où j'étais pas là puis je l'ai pas dit à personne. Une fois, t'as pas... Ah, c'est vrai, oui. Mais moi, oui. Mais ça, hey, ça, c'est des problèmes de filles. Des problèmes de côte. De coke? De côte. Okay. Ah, oui. Quand j'étais à l'hôpital. Ah oui, des côtes, oui, oui, oui des oui. Côtes, oui. Non, c'est pas corps. En peine d'amour, là. Wow, non, non, mais je sais pas. Merci, Talia. On a une pièce à écouter. Oui, on a une pièce à écouter. Je vous avouerai que les pièces musicales qui parlent de course automobile, c'est quand même assez rare. C'est difficile. Mais j'en ai trouvé quelques-unes durant l'été lorsque j'avais mon émission en piste avec Tania Baudin. Alors, on va quitter ma chronique, tiens, disons-le comme ça, avec Eagle's Life et la pièce In the Fast Lane. He was a hard-headed man. He was brutally handsome. Eagles Live avec... Life in the Fastlane. C'est Eagles, le nom du band, je pense. Eagles. Eagles. Ah oui, ben oui, ouais, ben oui. Allô. C'est comme, genre, si tu disais, genre... je sais pas. J'avais pas l'exemple. Il y a pas personne qui aurait vu. Absolument pas. On va couper son montage, ça ne jouera pas. C'est ça. Merci, Tania. Hey, merci à toi, Mathieu. On a parlé de course de char ensemble dans ta chronique en piste avec Tania Baudin, une sous-chronique de Tania Esgolin-Tetania. Et on va refaire cette même en piste avec Tania Baudin dans Tania Esgolin-Tetania lundi et mardi. Si on a de la chance, ouais. Lundi, on va se parler par téléphone. Si on a de la chance, lundi, on va se parler par téléphone. On a signé le contrat, là. Et c'est fait, là. La ligne téléphonique marche. Ton interrobin est payé par ton agent. Ouais. On va voir. À partir de Vegas, ça pourrait être cher jusqu'à Trois-Rivières. Ça pourrait. Attention à ça. Mais j'ai un forfait spécial. Ah, ah, ah oui, ben, t'es tellement roaming. T'es worldwide roaming. Voilà. Voilà. Encore une fois, merci. Salut. Ça fait le plaisir. Autour de la pause, une grosse pointe en dresse, on va goûter un produit acheté en magasin ou en épicerie ou en dépanneur, quelque chose qui goûte soit sucré, soit salé, soit pas bon pour la santé. J'ai hâte. C'est au retour, reste. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki en ce jeudi 19 novembre 2015, Tania Baudin. Mathieu Plante est là aussi. Oui, ça me met une petite période de réflexion, hein. Et ouais. Il me faudrait me mettre en punition dans le coin, c'est ça une période de réflexion pour moi. Comme quand on était jeune. Ben oui, j'ai fait des mauvaises affaires pendant la pause. Bah, bon, qu'est-ce que t'as fait? J'ai pas vraiment eu le temps, en fait, de faire grand-chose. Ouais. À peine le temps de s'en virer de bord, mais on est déjà de retour avec vous pour une grosse pointe en dresse qui s'en vient dans quelques instants. Avant ça, par contre, une pièce que tu nous as choisie, Tania, par Cave Boy. On l'aime beaucoup, celle-là. Oui, c'est Something Like Summer. Assemblage Rookie! c'est pas de ma faute, mon range de choisir parce que la fille de mon âge a l'air d'être ma mère. T'sais. Ouais, ben là, c'est vrai. Il y en a qui ont l'air ma tante, même à mon âge. C'est vrai. Pour ceux qui savent pas de quoi qu'on parle... Tinder. On parle de la vie amoureuse de Mathieu. Ou lack thereof. Donc, 8h35, en ce jeudi matin, on vient d'entendre Cave Boy et Something Like Summer à Assemblage Rocky. Et comme on est jeudi et qu'on aime ça terminer l'émission en beauté... À moins d'une heure de la fin de notre semaine d'assemblage requis, on a envie de manger un peu pour se récompenser d'une semaine bien accomplie. Voici une grosse pointe d'adresse. Une grosse pointe d'adresse. C'est une grosse pointe d'allégresse, c'est la chronique dans laquelle on goûte à un produit retrouvé dans un dépanneur, dans une épicerie, dans une allée qu'on n'est pas supposé fréquenter parce que tes parents ou la fille de ton âge que tu regardes sur Tinder puis qui a l'air d'être ta mère. Ouais. Te juge, non. Une chance, j'ai pas de son nom quand même. Une chance. Donc oui, c'est ça. Au je me souviens plus, mais je m'en avais collé en plus. Son nom? J'ai pas regardé son nom, voyons. Où j'ai vu, j'ai dit, ah, c'est presque ma mère. Ah, Mélanie. Donc... C'était pas Mélanie? Ah, je sais pas. Tania, vise pas toutes les Mélanies de la population qui ont l'air d'avoir au moins 50. Donc, aujourd'hui, on goûte à un produit que j'ai dans mon sac ici, bien sûr. Un sac qui a absolument pas le nom du magasin où je l'ai acheté parce que c'est pas ça. Okay. Ne te fie pas à ça. Okay. Aujourd'hui, j'ai apporté un produit d'une gamme québécoise. Tu connais les bartends des brownies Leclerc? Ah oui! Et ils viennent de... Est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas goûté toujours? Non, ça a l'air bon! Ça a l'air bon! Ben c'est ça, on aime déjà les produits Leclerc habituellement. Oui. C'est très bon. La gamme Brownie Max, ils viennent de sortir, en tout cas pour un temps limité ici. Seulement, oui, mais ça a l'air d'être juste pour Noël. C'est au sucre à la crème! Oh my God! Oh my God! Ça a l'air excellent. Donc, Brownie Max, sucre à la crème. Bon, il n'y a pas grand-chose à dire, à part le fait que c'est une entreprise familiale depuis 1905, Leclerc. Mm-hmm. Quand même. Il n'y a pas de peanuts. Oh, non, c'est certifié, c'est ça, contrôle allergène certifié absence d'arachide. Tu as tout à fait raison. Par le Bureau de la normalisation du Québec. Je ne savais pas que ça existait, le Bureau de la normalisation. Moi non plus. Ça contient du blé. Truc de gluten. Mm-hmm. Ils mettent en gras, j'imagine que c'est pour ça. Farine de blé enrichie, sucre, fructose, huile de canola, filet à saveur de sucre à la crème. Filet de sucre à la crème. À saveur. Pardon, pas au sucre à la crème. Ouais, non. Mais ça contient à peu près les mêmes ingrédients quand même. Sinon, le reste, c'est tout un paquet de trucs gomme xanthane, colorant, arôme naturel. C'est genre finalement du sucre. C'est du ça. Gras. Des œufs, entre autres. Mais la liste de l'ingrédient est très très longue. Là. Juste en français, on trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes de l'épaisseur de la boîte. C'est quand même pas mal. On retrouve dans le coin de la boîte vraiment du gui, les trucs couronne de Noël un peu. Donc, on n'a pas mis de symboles religieux de Noël. Mais non, il faut plus. On est rendu comme il y a 6 ans aux États-Unis à la guerre contre Noël au Québec maintenant. Hein. Ah mon Dieu. Hein, c'est... Pour vrai, on est vraiment en retard sur ce débat-là, mais énormément. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais le Boswell de Boswell. Ben, je sais bien, Boswell de Boswell, Caroline, les trucs de Starbucks avec leur verre, toutes ces affaires-là. Là. C'est ça. Hey, c'est n'importe quoi, ces débats-là. Là. Sérieux, on a-tu autant de temps à perdre? Donc, ça dit sur le dessus de la boîte, j'ai trouvé ça étrange comme place où mettre ça, mais sur le dessus de la boîte, ça dit « Allez et faites-vous plaisir avec Brownie Max, tendre et moelleux, les carrés de Leclerc sauront combler vos fringales. Ne soyez pas étonnés de vouloir en déguster plus qu'un. » J'avoue que quand je prends une barre tendre, c'est rare que je vais en prendre juste une. C'est ah trop ouais? petit pour moi, j'aime ça en prendre deux. Ah, ok. Je vais te laisser ouvrir la boîte, il n'y a rien d'autre à dire. Ok. Absolument rien d'autre. L'emballage est fait de 100% de fibres recyclées, si tu veux vraiment savoir les détails. Wow. Je t'envoie ça et bien sûr, le micro magique sera là à ta portée, comme toujours. Merci. Ça fait plaisir. On ouvre des Brownie Max au sucre. J'ai ça, les nouvelles boîtes comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, que le carton est prêt. Et comme il y a un petit pointillé à la place d'avoir vraiment un rabat. Mais ça sauve du carton, ça économise du carton. Donc, ouais, je veux bien, là, mais là, c'est sûr qu'il va être mal coupé. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas fait les pointillés pour être faciles à ouvrir. Hein. Mais c'est mieux de le détacher de sa colle à l'intérieur de la boîte, je trouve, personnellement. Tu vois? Comme ça. À place de déchirer les pointillés. Et, tu vois, c'est réussi. Petit sachet individuel. Ah ben oui, avec un seul brownie, évidemment, pas un deux. Un seul? Hein. Hey, il y en a quand même beaucoup, hein? Il y en a 8. Il y en a 8. C'est surprenant, 8, c'est beaucoup. Est-ce qu'on en prend un chaque ou bien un deux? Un chaque. Un chaque, tabarouette. Fait un beau petit son. Quand même, hein, c'est plaisant ça. Ah, oh, ça sent bon! Ça sent le sucre à la crème pour vrai? Ah, oh, je suis content d'entendre ça. Est-ce que tu te souviens des fameux biscuits qui étaient à l'érable dans le temps, en feuilles d'érable, ben les oui. fameuses feuilles d'érable? Il y en a encore, c'est ce qu'on n'achète plus. Mais sent, et dis-moi si tu trouves que ça sent un peu pareil. Hey, je le sens et je l'ai même pas encore pris. Ah? Genre dans ma main. À vous. Ça sent très fort, j'aime ça. Merci d'avoir fermé la boîte pour moi. Ça fait plaisir. Bon, je vais te regarder ouvrir le tien pendant que je commence à déballer plus encore le mien et le montrer du bon sens, parce qu'on dirait que moi, ce que je trouve un peu... OK, là, vous allez me trouver vraiment comme chialeux. Non, mais je suis comme toi. Non, mais c'est ça. Tu sais, les produits Apple, ouais. ils sont faits pour que quand tu ouvres la boîte, la première chose que tu vois, c'est le produit de face pour que tu sois comme en amour directement avec le produit et ça fonctionne très bien. Et là, nos carrés au brownie Brownie Max sucre à la crème, on voit le dos quand on ouvre l'emballage en premier. Ouais, non, moi aussi, ça fait... Je suis pas contente de non. ça. Peux-tu faire une pétition? Ben là, il me semble que c'est logique que tu mets le côté sucre à la crème à l'ouverture du produit. Oui. C'est pas juste nous autres, je pense, qui pensons comme ça. Je pense qu'on est plusieurs à oui. Des gens un petit peu superficiels, certains diraient, mais ça vaut la peine de tomber en amour avec l'apparence d'un produit, tu sais? Bon, OK. Moi, j'ai touché un petit peu au sucre à la crème et je le trouve très humide. Donc, ce n'est pas du sucre à la crème sec, plate. C'est vrai. Il est un petit peu collant, comme du vrai sucre à la crème. C'est ce qu'on veut. On veut pas qu'il soit figé dans le temps. Est-ce qu'en théorie, c'est comme une... Oh, il y a du sucre à la crème dedans? Ben, peut-être, hein? Parce que c'est pas montré sur l'emballage. D'après moi, c'est juste un petit drizzle, un petit un filet, comme on appelle, comme on avait dit dans les ingrédients. Est-ce qu'on mord dedans une Allons-y bonne bouchée? Je sais pas. Allons-y. C'est moelleux. C'est très moelleux. Oh. Et c'est très sucre à la crème, hein? Mm-hmm. Mm. On le goûte vraiment. C'est sucré. Ouais. Comme très sucré. On goûte, c'est un peu muffin-esque. Ouais, un peu. Comme base, c'est très, très moelleux. C'est, ouais, d'après moi, elles sont très fraîches. Mm-hmm. Le drizzle, on le sent, on le goûte. Moi, je goûte quand même un peu le sucre à la crème. Il aurait pu être plus présent, mais s'il avait été trop présent, ça aurait peut-être été trop sucré, pour certains. Je pense aussi. Ils ont réussi pas mal l'entre-deux, entre trop sucré et goûte rien. Oui, je suis d'accord, parce que t'as comme l'espèce de, je vais pas dire biscotte, parce que c'est pas une biscotte, mais l'espèce de... Un muffin aplati. Un muffin aplati en dessous, qui lui goûte pas grand chose à part le sucre. Il est là pour un petit peu tamiser le trop sucre. Et voilà. Mais je dois avouer aussi que je suis bien d'accord qu'il n'y a juste pas mis comme une espèce de mini filet de. Tu sais, il y en a quand même pas mal dessus. Ouais. Moi, j'aurais préféré s'il y avait une garniture à l'intérieur en genre de. Sucre à la crème. Un peu comme du pudding Schumer. Comme texture, j'aurais aimé ça à l'intérieur. Tu as rajouté quelque chose. Mm-hmm. Mais en même temps, peut-être qu'il attend de sortir un Brownie Max au Pudding Schumer. Ah, peut-être. Y en a-tu déjà? J'ai jamais vu ça. Peut-être. Je sais pas. Mais ça se fait un peu comme, tu sais, on avait goûté à un moment donné là, aux fraises. Mm-hmm. Un peu comme ça. Ouais, comme des Pop-Tarts. Mm-hmm. Mm. Mais moi, je l'ai mangé au complet, mon carré, puis j'adore ça. Ouais, c'est très bon. Mm-hmm. Moi, je donne un pouce par en haut, mais c'est sucré. Oui. Moi, j'irais pas en manger deux. Ah, peut-être pas deux, j'avoue. Ah, hein? Mais... Tantôt, tu disais qu'en temps normal, t'en manges deux. Là, c'est au vrai. Sucre, est-ce que t'en mangerais deux? Jusqu'à un. Okay. Je suis parfaitement rempli, mais tu vois que les doigts sont quand même sucre à la crémée, comme on va dire. Ce qui est particulier, pour une barre tendre, habituellement c'est tellement sec que tu finirais avec les doigts secs, tu aurais juste essuyé sur tes pantalons. Ce n'est pas le cas. Non. Je dois me lécher les doigts. Rempli du temps pendant ça. Mais c'est bon. Mais comme je disais, je suis vraiment contente qu'il n'y ait pas juste mis comme une espèce de mini filet de tapette. Ben, comme qui vaut pas la peine. De faible. De faible, ouais, disons-le comme ça. T'sais, là, il y a un bon filet quand même. Il est pas large, mais il y en a pour la peine. Il y en a pour la peine. Voilà. On aime ça. C'est génial. C'est cool. On va prendre une pause avant d'essayer l'autre affaire que j'ai amenée. Mais que je te dis pas ce que c'est, puis c'est vraiment absolument rien d'étonnant. Okay. Mais je vais te laisser finir ton morceau de brownie avant. D'accord. Parlons de nouvelles de fast-food et commençons avec un petit bloc thématique sur Tim Hortons. Tim Hortons, chante pas, t'es pas bonne. Hey! Pratique-toi la mélodie d'assemblage requis qu'on enregistre tantôt. Oui. Donc, Tim Hortons est un des endroits les plus appréciés par les Canadiens pour aller en premier rendez-vous. Mm-hmm. Amènerais-tu un premier rendez-vous chez Tim Hortons? Pas sûr, ah, hein? Ah, tu veux vraiment que... Pas sûr de ça. La compagnie a analysé les données de 500 000... Je l'ai déjà faite. Ah, pour vrai? T'avais 12 ans. Non! L'année passée? Ah, je veux tout savoir, raconte-moi ça. C'est plus un blog de nouvelles de fast-food, c'est un blog sur la vie de Tania. Pourquoi? J'ai mais Tim Hortons! Mais tu sais mon amour pour le café. Oui, okay. Mais Tim Hortons, c'est justement pas un café qui a du goût. Mais je sais, mais c'était le seul qui était ouvert à cette heure-là. Ah, ok, c'était à la sortie des bars. Non, même pas. Non? Mais on est allé boire un verre. puis après, OK. Mais tu sais, si t'étais allé le matin pour prendre des patates à déjeuner, là, je t'aurais respecté, ça. Ouais, on peut passer la nuit avec. Ah, je sais pas. C'était un premier rendez-vous. T'es pas de même, toi. Donc, la compagnie a analysé les données de 500 000 utilisateurs pour comprendre où les gens allaient pour le premier rendez-vous. Au sommet de la liste, Starbucks, mais Timmy's, Tim Hortons est en deuxième place, suivi par The Key, que je connais pas, et Boston Pizza. Les femmes préfèrent rencontrer dans un café, alors que les hommes préfèrent rencontrer dans un restaurant. Ou un bar, c'est vrai, hein, oui. Ça? Ben oui. Moi, je suis toujours du genre, on pourrait aller boire un café, pis ils sont tout le temps comme, aller boire un verre. Je suis comme, t'as-tu vraiment besoin de te saouler pour me rencontrer? C'est ça. Tu me connais déjà, je t'ai déjà invité, tu sais, on se connaît déjà. En tout cas. Sur le reste de la liste, on retrouve aussi, je vais trouver les noms que moi je connais, là, parce que je les connais pas tous, Second Cup en 8e, David Tee en 10e. OK, cool. Ah, quand même. McDonald's en 12e, pas sûr. Et? Red Lobster en 14e. Mais d'aller chercher un café chez McDo. Ah, OK, oui, oui. Et de le boire en te promenant en auto. Ah, c'est pas pire, ça. Ça, c'est the best date ever. Dairy Queen? Non. En 16e, absolument pas. Je regarde ça et c'est une liste qui... ouais, c'est des endroits au Canada. Il y a plein d'endroits que je savais même pas qui étaient disponibles au Canada. Le Kelsey's, qui c'est qui est... Ah, ouais, ben c'est un restaurant, ouais, j'avoue. C'est quoi, c'est le Cactus Club Café? Non, mais tu sais, pour vrai, non? King Joe Sushi and Grill. C'est quoi le 180 Panorama? J'ai aucune idée. Bref, c'est chez Clover, une application de dating que absolument personne au Québec utilise. Là. Quand je vois dessus, il y a comme deux personnes en région. Il y a personne sur Clover. Ouais. Bref, c'est eux qui ont fait cette étude-là. Ah. Ensuite, on va chez Tim Hortons. La mode au Canada, il y a une nouvelle mode, Tania, toi qui aimes des fois suivre certaines modes. Ouais. C'est de voler la boîte de dons du jour du souvenir chez Tim Hortons. Mais là, t'es-tu sérieux? Je te jure, si tu veux partir ça, non? C'est dommage niaiseux. Ouais, il y a quelques semaines, une femme a décidé d'essayer ça et a été plus tard arrêtée. Et selon 680 News, un couple d'adolescents ont essayé de tester le Tim Hortons en volant la boîte de dons pour les puppies, tu sais, les petits coquelicots. Ouais. Coquelicots. Donc, la note disait que la police de Toronto cherchait deux hommes qui ont volé une boîte de dons de coquelicots sur Bloor West, le Tim Hortons de Bloor West. La police dit que les hommes sont entrés dans le café au 1094 Bloor Street West, près de Dufferin Street, vers 18h20 un samedi. Un des hommes a pris la boîte de dons alors que l'autre gardait. Les deux se sont enfuis. C'est bien à la mode. Hey, hein? Ben. Tu sais, quand t'es rendu à voler des coquelicots, là? C'est que ça va vraiment pas mal dans ta tête, là. Man! C'est pour les vétérans de la guerre, s'il te plaît. C'est un petit peu de respect, hein? C'est ça. T'sais? Ensuite, Tim Hortons. Parlant de respect, faut respecter les cowboys. Mm-hmm. Tim Hortons essaie de mettre un petit peu de country dans ses uniformes pour promouvoir sa nouvelle option steak sur son menu, comme le cheddar biscuit steak avec breakfast sandwich. Ben oui. Timmy's, donc, s'est dit que ça allait être une bonne idée de mettre des chapeaux de cowboys à ses employés partout au pays. Est-ce que tu as vu la publicité québécoise de ça? Non, j'ai pas vu. Parlement, s'il te plaît. Parlement canadien. Je suis pas certaine que ça vaut la peine. Non, je veux savoir. Est-ce qu'il y a des marqués dedans? Non. Ben, parle-moi-en. Mais il y a une fille avec un chapeau comme ça, là, pis là, elle crie que c'est super, ils ont du steak maintenant. Yeehaw, le steak maintenant! Hey. Ah, wow. C'est incroyable comme promotion. Mais bref, on a enlevé les chandails normaux des gens et leurs casquettes cheapo cheesy de Tim. Et on a remplacé ça par un chapeau de cowboy, un bandana et un t-shirt qui dit It's Steaking Good. La personne qui a trouvé le slogan It's Steaking Good mérite. Soit une promotion, soit un coup de pied dans les fesses, hein? Mm-hmm. Je suis pas sûr de quel bord. C'est discutable. Staking, il y a même pas de jeu de mots avec fucking. C'est t'sais? Ça. It's staking good. Je le vois pas, le jeu like, de mots. Non. Non, absolument pas. Comme on dit, it's a huge mistake. Indeed. Voilà. It is. Ça, c'est un bon jeu de mots, je trouve. Il y en a même des restaurants, en passant chez Tim Hortons, si vous avez pas vu encore, qui ont une fausse moustache. Hein? Ils font porter une fausse moustache à leurs employés. Pour le steak? Ah! Okay. Donc, allez voir les photos. Si le steak était associé à la moustache? Ben, les cowboys, tu sais, dans les films. Hein? Je vous avais dit que c'était un bloc thématique de Tim Hortons, donc on continue avec les Tim Hortons. En voici un qui s'ouvre dans une épicerie dans l'allée des cafés. Ça, c'est cool. C'est vraiment cool. Donc, il y avait un sketch de Rick Mercer récemment à son émission Rick Mercer Report, où on faisait semblant qu'il y avait que Tim Hortons était tellement partout au Canada qu'il était rendu qu'il ouvrait des succursales de Tim Hortons dans votre maison. Oui, je me souviens vraiment de ça. C'était vraiment drôle, ce sketch-là. Bref, c'était récent quand même. Et là, ben, c'est littéralement vrai qu'ils en mettent partout parce qu'il y en a dans les épiceries. Pour faire la promotion de ces petites capsules, que certains en français appellent des dosettes. Là. Moi, pour moi, honnêtement, les dosettes, c'est pour mettre des médicaments dedans. Ouais. Fait que moi, j'appelle ça des capsules de café, OK? Je vais continuer comme ça. Des pods ou des capsules de café. Donc, bref, pour promouvoir ces single-serve coffee pods, Timmy s'est embedé, donc imbriqué dans des épiceries, dans des allées de café. Donc on fait part aux gens, bien sûr, qui sont là pour aller s'acheter du thé, peut-être. On va regarder la publicité, c'est comme un mélange de la chronique Le Bloc Pub. On va écouter la publicité de Tim Hortons pour les dosettes à café. C'est en français. La deuxième, hein? Oui. C'est les dosettes à usage unique de Café Tim. C'est le même Café Tim que vous aimez, que vous pouvez acheter à l'épicerie. Donc évidemment, on a des caméras de sécurité. C'est comme Tim's. Ouais, très bon. C'est bon, ça! Un bon café Tim dans votre maison! Mais pas dans la maison, hein, t'as l'épicerie! Est-ce qu'ils sont obligés de parler comme ça? Ah, c'est... Ben, d'après moi, ils prennent vraiment des vrais employés. Ben peut-être, mais aussi des employés anglophones. Oui. Parce que le gars, c'est vraiment le meilleur café que j'ai jamais goûté. Ouais, est-ce que t'es un cowboy qui vend lui, du steak? Lui, il est peut-être dans le quartier... peut-être, mais c'est West Mountain DG de Montréal. C'est une pub de 17 secondes. Je suis d'accord. Est-ce qu'on doit spotlighter des gens qui sont à peine capables de parler en français? On n'a pas le choix, maintenant. En tout cas, non. On a très, très, très le choix, Tania. On a vraiment énormément le choix. Pour 15 secondes, tu peux trouver 3-4 personnes qui parlent français à Montréal si tu forces un minimum. Une autre nouvelle de Tim! Oui, ok, allons-y. Je te l'ai dit, vous avez tout mis ensemble. Ben oui, c'est bien correct. Il y a une autre mode, Tania. Toi qui aimes ça, celui de mode, Alain, t'as volé des boîtes de dons de Coquelicot. Oui. Parce que tu suis mode. Donc, la mode, présentement, c'est de prendre un selfie dans la salle de bain du Tim Hortons. OK. Oui, les selfies sont toujours aussi populaires qu'ils l'ont jamais fait. Puis d'hashtaguer Tim Hortons, mettons. Et ben, je sais pas si tu vas gagner une patate à déjeuner gratuite ou quelque chose comme ça. Ou peut-être quand tu prends une photo de la toilette du Tim Hortons, ils te donnent, tu sais, les barres noires au chocolat. Ben, ça ressemble à une crotte. Oh, mon Dieu. Non, ce serait drôle. Non, ce serait vraiment pas drôle. Donc, la mode des selfies arrive chez Tim Hortons. Ça devient un passe-temps vraiment populaire. Rien de mieux que de bonne tasse de café suivie d'une photo glorieuse de vous dans la salle de bain. Et il y en a plusieurs qui sont disponibles sur Instagram en ce moment. Il y a une petite galerie sur le site de InsideTimmies.com qui est un de mes sites préférés pour trouver des nouvelles sur Tim Hortons. En fait, chaque nouvelle sur InsideTimmies.com commence par Tim Hortons, the greatest place on earth. C'est vrai. Ils disent tout le temps ça. Est-ce que tu as vu qu'il y a un gars qui a commenté chaque article en disant qu'il est obsédé par Tim Hortons? Mais c'est pas qui a signé, c'est l'auteur de l'article. Ah. C'est sa signature de journaliste de ouais. C'est Ian Hardy. Non, mais t'as raison de le demander. T'as raison de le demander. Ensuite, on a fini avec le Tim Hortons, malheureusement. Oui, malheureusement. On part chez Pizza Hut. OK. Ouais, Pizza Hut qui vient de lancer aux États-Unis sa nouvelle boîte Triple Treat. C'est comme Triple Threat, une triple menace. C'est quelqu'un qui sait chanter, danser, puis c'est quoi notre affaire? Jouer la comédie dans un film. Donc bref, Triple Treat, c'est un triple bonbon, triple gâterie si on veut, pour la saison des fêtes. Donc c'est une boîte qui met en vedette deux pizzas dans les deux... C'est comme une commode. Ouais. C'est comme un petit bureau. Il y a des tiroirs. Les boîtes de pizza sont placées en tiroir. Donc tu tires ta première boîte, t'as une pizza. Tu tires ta deuxième boîte, t'as une autre pizza. Tu tires la troisième boîte, t'as un dessert ou des bâtons de pain sec là, pas mangeable après une journée. Là, non, mais ça, d'après moi, c'est ceux à la cannelle. Ah, celui-là, c'est ceux à la cannelle. Je pense que t'as le choix, en fait. Bref, tout ça pour 20$. Donc, c'est vraiment trois boîtes à pizza emballées, empilées avec un trou à l'intérieur sur le devant pour pouvoir tirer. C'est pareil pour ceux qui ont acheté une Nintendo Wii U. Les boîtes sont placées pareil. C'est comme des tiroirs, c'est comme une commode. C'est tellement écœurant. Donc, un Nintendo Pizza Hut, même combat. T'sais. C'est ça. On a déjà offert des boîtes similaires dans d'autres pays, mais c'est la première fois qu'on l'a aux États-Unis, qu'on va peut-être l'avoir un jour au Canada. Ça inclut donc deux pizzas médium, des bâtonnets de pain ou encore des bâtonnets, comme tu disais, à la cannelle. Mm-hmm. Ou encore le... Ah, est-ce que t'as déjà goûté... Ah, il faut que je t'en parle, Tania, il faut qu'on en Vas-y. Parle. Est-ce que t'as déjà goûté au Hershey's Ultimate Chocolate Chip Cookie? Non. Chez Pizza Hut, c'est comme une pizza, c'est dans un emballage, c'est comme une assiette de métal, d'aluminium. Mm-hmm. Et à l'intérieur, t'as un biscuit de grandeur d'une petite pizza, OK? OK. Coupé en pointe, et c'est chaud quand tu le reçois, et c'est un délice, là. Mm. Moi, je pensais que ça allait être mauvais parce que j'aime pas tellement les pipettes de chocolat Hershey's d'habitude. Mm-hmm. Surtout pas leur Kisses, je trouve que ça goûte le faux chocolat. OK. Mais dans le biscuit Hershey's Ultimate Chocolate Chip Cookie, c'est débilement bon, j'adore ça. Ah, ouais. Et puis, le font-tu ici, là, au Pizza Hut à Trois-Rivières? Je te prendrais que c'est pas congelé, là. D'après moi, il est congelé, mais je pourrais pas te répondre. Pour ceux qui échouent, c'est parce qu'ils font des congelés. Ouais, j'ai aucune idée. Mais comme je t'avais dit la semaine passée, ma pizza préférée, c'est celle à l'érable et au bacon fumé. Combinée cette semaine que j'ai fait, en fait, semaine passée avec le Hershey's Ultimate Chocolate Chip Cookie, ça fait un très bon souper. OK, je pensais que t'avais mis le cookie sur la pizza. Là, j'étais là, Mathieu. C'est tout faudrait moche. Qu'on se discute. Est-ce que tu es enceinte? On a besoin d'une intervention. C'est ça. Continuons avec des produits Pepsi-Cola. Pepsi Cola, oui, on a vu. C'est vraiment en bref de ce coup-ci. Là, c'est, tu connais le Pepsi à la vanille qu'il y avait dans le temps? Eh mon Dieu, oui, mais ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Tu te rappelles aussi du Pepsi qu'on a déjà parlé, fait avec du vrai sucre, le Pepsi Throwback, mm-hmm. qu'on appelait Pepsi Rétro au Canada et qu'on n'a jamais revu depuis comme 2 ans et que je tripais donc dessus et que j'aimerais en revoir, mais il n'y en a plus. Bref, on combine les deux avec du Pepsi à la vanille fait avec du vrai sucre aux États-Unis. Donc ça s'appelle Vanilla Pepsi Made with Real Sugar. Hein? Okay. Donc c'est super simple, c'est une combinaison de deux de leurs liqueurs préférées aux États-Unis et on a fait ça en une seule. J'aimerais vraiment qu'on ait ça au Canada un jour. Si on peut nous amener le Pepsi à la cerise, en ce moment il est disponible un peu partout, et le Coke à la cerise aussi. Ben ouais, mais ça c'est vanille cerise là. Vanille cerise, vanille, il y en a deux en fait. T'as, cherry ouais, vanilla. T'as raison. T'as wild cherry Pepsi with real sugar et vanilla Pepsi made with real sugar. T'as les deux. Mm-hmm. Voilà. C'est compliqué hein, mais bon. Hey, je te dis, aux États-Unis, ils ont des milliers de sortes de Pepsi. Hein. Ah, c'est sûr. Et j'aimerais ça qu'on essaie ça. On passe chez McDonald's maintenant, qui offre des churros en Corée du Sud. Tu te rappelles peut-être chez Costco, dans le temps, il y avait des churros? Je dois avouer que j'ai jamais mangé ça, puis ça manque à ma vie. Oui, ça manque à ta culture. C'est un petit... c'est un peu... c'est frit. Oui. C'est un genre de pâtisserie, si on veut. Donc, c'est y un... Y a-tu quoi dedans? Je crois qu'il n'y a rien dedans. Je crois que c'est sur le dessus, c'est de la cannelle. Ouais. C'est de la cannelle et du sucre, genre. C'est comme finalement une comment t'appelles ça là, une queue de castor mais en ouais. un seul morceau. Ouais, je pense que c'est et là je dis un peu n'importe quoi, je crois que c'est pas mexicain ça. Je pense que oui hein, les churros. Il me semble que oui, donc c'est ça. Comparé il y avait un autre churros churros au Japon qui était le mec churros, c'était plus comme un genre de bâtonnet de pain chinois frit. Okay. Mais là ici c'est en Corée du Sud, c'est plus comme ce qu'on appelle un churro d'habitude en Amérique. Donc c'est avec des petites monts évalés si on veut, mm-hmm. des petites fentes un peu comme des ruffles si on veut. Oui. Couvert de cannelle et de sucre, c'est offert pour 1,30$ américain environ, 1500 won en Corée du Sud. Miam. Et leur campagne promotionnelle est apparemment bizarre, je l'ai pas regardé, on oui, va essayer non, de la. Non, c'est vraiment bizarre. Est-ce que ça vaut la peine de la jouer? Je comprends pas. Ah, bon, on va l'essayer. Je la comprends juste pas. On va l'essayer. Hein? Donc on voit pour commencer un gars déguisé en chef d'orchestre avec ses baguettes dans les mains. Qui fait à tout le monde un petit signe de faire de la musique, mange le churros. Il y a des gars avec des violons derrière lui. Le gars mange son churro. Comme un chef d'orchestre, il guide les violonistes et se termine comme ça. C'est juste comme de quoi que les baguettes ressemblent à des baguettes de conducteur d'orchestre. Mais le gars est déguisé en genre de gars de la Confédération, de je sais pas trop quoi avec les. C'est de 17 ans, là. Genre, j'aurais même pas estimé de... Je comprends pas le lien de tout ça, mais... Ça n'a rien à voir, mais c'est des baguettes. C'est ça. Un autre produit, en bref, c'est les Fruit Loops Winter Blast Marshmallows. OK. Les Fruit Loops avec des guimauves blanches. Ah! Quand même simple, hein? C'est, ils imitent les Lucky Charms. Les Lucky Charms, mais tout le monde aime les guimauves dans leurs céréales, donc je pense que c'est une bonne idée. Évidemment, c'est encore une fois seulement aux États-Unis, c'est pour un temps limité. Ensuite, chez Dunkin' Donuts, on a parlé de Tim Hortons tantôt. Dunkin' Donuts, c'est son pendant un peu plus cheap. C'est des beignes avec du fromage dessus. Donc récemment, le blog BradEating.com a visité les quartiers généraux de Dunkin' Donuts et ils ont montré quelques-uns de leurs beignes internationaux, dont ces beignes d'Indonésie garnis de fromage. Les gens n'avaient pas trop envie de l'essayer, mais le blog l'a essayé. Ben pas le blog, le gars qui fait le blog, on va se le dire. On a plusieurs beignes de l'Indonésie avec du fromage dessus. Donc il y a un beigne au chocolat et couvert de fromage parmesan. En fait, c'est celui-là? Non, c'est un beigne glacé couvert de fromage parmesan. Et le beigne au chocolat, lui, avait du fromage parmesan. Et tout ça sur le contour du beigne. Comme un genre de tanneau. Mais en dessous, c'est quand même sucré. Oui, c'est ça exactement. Ah, donc, c'est pour faire un genre de sucré salé, fromage et chocolat ou fromage et glacé. C'est un peu bizarre, hein? Tu sais, j'aurais aimé l'idée si en dessous, ça avait pas été, tu sais, comme glacé. Ben, ça avait été un beigne de brunch, style... Ouais. Juste un peu nature, peut-être, un peu pâtisserie nature. Ouais, j'avoue, ça aurait été meilleur comme une toast, quasiment. Mm. Ouais, mais bref, pas sûr de ça. Non, moi non plus. Ça ajoute une petite texture, apparemment, et c'est très, très salé. Donc, je trouvais ça bizarre avec mise à côté du glacé collant, si on veut. Ensuite, celui-là, c'était pour l'Halloween. On commence à être loin de l'Halloween, mais quand même, chez Burger King, on a déjà parlé du hamburger noir. On a déjà parlé aussi du burger rose. Celui-là, mm-hmm. c'est un burger noir avec de la sauce A1 pour faire la couleur de son pain. Mm-hmm. Donc, le pitch black bun avec de la sauce A1 pour l'Halloween. En plus d'avoir évidemment le pain noir, il y avait une boulette de bœuf, fromage américain, tomate, laitue, mayonnaise, sauce A1, voyons. Thick and hearty, donc leur sauce plus épaisse de A1, cornichons et des oignons blancs français, tranchés, pardon. Donc, tout ce qu'on trouverait dans un Whopper normal, sauf pour la sauce A1. Et le pain goûte la sauce A1 aussi. Donc, c'est quand même pas mal de choses en même temps qui goûtent la sauce à steak. Ça a l'air cool quand même. C'est complètement différent du Japon, où on offrait un pain noir avec du fromage noir et une sauce noire dans le burger. Ensuite, on va chez Burger King maintenant, en Nouvelle-Zélande, où on, retrouve le Breakfast Stack, qui est un déjeuner dans un genre de... ben, l'équivalent de Big Mac chez, chez Burger King. Donc, c'est pour une durée limitée. C'est un sandwich déjeuner qu'on appelle le Breakfast Stack en Nouvelle-Zélande. C'est un sandwich qui ressemble, comme je disais, au Big Mac, mais à la place d'avoir un pain et un hamburger, on va inclure trois moitiés de muffins anglais. Donc, le dessus et le dessous. Et au milieu, un milieu. Donc, pas de haut, pas de dessous. Hein? Mm-hmm. Le dessous a une... plaquette de saucisses avec du ketchup, du fromage. En haut de ça, on met du bacon et un œuf. Donc, c'est comme un déjeuner normal chez, chez Tim Hortons. Pas chez Tim Hortons, c'est chez Burger King, ça. Trois tranches de bacon, un œuf poché, de la mayonnaise, du fromage. Et les deux sections sont séparées par un muffin anglais de milieu. Donc, si vous trouvez que le pain du milieu n'est pas nécessaire, ils ont aussi leur King Muffin, qui est la même chose sans le pain du milieu. On combine encore une fois les, le burger normal, la saucisse, le bacon, l'œuf et tout et tout et tout. En même temps, ça a l'air écœurant. Ouais. Ah, pardon, je m'excuse, c'est pas deux, c'est pas une boulette normale de burger et une boulette de saucisse, c'est vraiment deux boulettes de saucisse. Je m'excuse. Ah oui. Ça change tout. Ça change absolument tout. Ensuite, on retourne chez McDonald's qui offre... Ah, ça, là, pour vrai, là, je suis vraiment triste qu'on n'ait pas ça. On a souvent des chaussons différents au Canada, au Québec. Des fois, on a celui au After Eight, celui au Guimauve. On a vient rarement, lui, par exemple. Il vient rarement. On a celui au Oreo aussi. Oui. On a celui au Pomme. On a eu déjà au Bleuet. On a... Il y en a plein qu'on a eu au Québec. Au Pêche. Au Pêche. Ah, miam. J'aimerais s'il y en avait un aux avocats. Aux abricots. Aux abricots. J'aime bien gros les abricots. Bref, McDonald's offre à plusieurs endroits aux États-Unis celui au, à la citrouille et à la crème. Citrouille-crème, c'est similaire à celle qu'ils font d'habitude fraises et crème, mais ça, c'est évidemment à la citrouille, dans un chausson rempli de bonnes choses. Il y a une version frite chez Popeyes, restaurant aux États-Unis, mais chez McDonald's, c'est cuit au four. Ils ont déjà offert par le passé la Baked Pumpkin Pie qui n'avait pas de crème, et là, cette année, on ajoute de la crème. Donc, c'est à certains endroits aux États-Unis. Peut-être qu'à Vegas, ils ont encore ça pour quelques jours. Peut-être. J'espère que tu vas goûter à quelque chose de spécial à Vegas. Pour vrai, force-toi un peu pour nous. Là. Fais juste travailler pour tes amis de ta web TV et TSN, motherfuckers. Là. J'essaie toujours d'essayer quelque chose de nouveau, honnêtement. Je te fais confiance. Les dernières années que j'y étais, j'ai beaucoup essayé asiatique, mettons. Cool. Là, je vous en donnerai des nouvelles. OK, mais tu sais, quand tu vas en voyage, tu ramènes un petit quelque chose, là, un petit dé à coude là, des États-Unis, là, tu pourrais pas nous ramener une bouffe à manger pour une grosse pointe en dresse? Je sais pas si j'ai le droit de passer les douanes avec ça. Essaie-toi, s'il te plaît. Okay. Très fine, quelque chose d'un fast-food, quelque chose qu'on pourrait reconnaître. Là, comme d'un fast-food? Ouais, ce serait le fun. Ben là, il sera plus bon quand je vais revenir. Ben oui, mais j'amène toutes tes affaires puis je les garde deux semaines dans le frigidaire ou dans l'armoire. C'est pas mauvais, c'est dans une boîte emballée. Ouais, mais c'est ça. Mais là, si c'est dans un fast-food, ça sera pas la même chose. Ah, j'avoue. Donc, t'essaieras quand même, s'il te plaît. D'accord. Hein? Je te fais confiance. McDonald's, on y retourne, qui essaie des sandwichs au poulet. Du poulet déchiqueté, si on veut. Ah! Pas du poulet normal en comment dire, en lanière ou dans un burger, t'as quoi, en boulette, si on veut. Donc, on essaie les chicken burgers avec un quart de livre de ground chicken patty. Donc, de la viande hachée, simplement. C'est un mélange de poitrine et de cuisse. C'est seulement offert à Tampa Bay, en Floride. Et selon le Tampa Bay Times, il y a deux configurations, classique et signature. Le classique, c'est oignon rouge, laitue, tomate, sauce ranch. Et signature, c'est oignon grillé, laitue, tomate et leur sauce signature chez McDonald's. Les deux viennent sur un pain aux patates. Potato bun, ça me surprend, ça, du pain aux patates. Ben ouais, moi aussi. J'ai déjà essayé du pain aux patates en épicerie. J'ai pas trouvé ça si différent. C'est pas mauvais. J'ai jamais goûté. Ça pourrait être intéressant donc pour faire changement des filets de poulet qu'on a habituellement. Tout ça pour environ 3,79$ aux États-Unis. Ensuite, j'avais oublié d'une... Il y a plusieurs... Ah, attends un peu. Il y a plein d'autres nouvelles de Tim Hortons que j'avais gardées par la suite. On fera un autre bloc thématique de Tim Hortons la semaine prochaine d'abord. Ben oui. J'avais même pas vu ça, toi. Tu parles d'une surprise. Ben, on aime ça le café, fait qu'on va aussi bien en faire des blocs. Ben, tu sais. Hein? C'est comme 10 nouvelles de Tim Hortons qui me restent encore. Bref, voilà pour une grosse pointe d'adresse. Les liens sont sur assemblagerequis.com. On prend une pause. Au retour, les instructions d'assemblage et un aperçu de ce qui s'en vient à Génie en liberté. Restez là. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. vous êtes assez fait. 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage Reiki. Il reste encore une vingtaine de minutes à l'émission de ce jeudi 19 novembre 2015. C'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, tantôt on a fait une grosse pointe d'adresse et j'avais oublié qu'on avait un deuxième produit à goûter, mais ça vaut pas vraiment la peine de faire toute une chronique complète comme on a fait tantôt. Donc on va se faire un genre de mini à côté, comme un side dish. Ok. Ça va être juste ça. T'attends-tu de faire ça? Bah oui. On va attendre que le thème finisse pour que ça fasse une plus belle transition, puis je vais mettre la chanson de fond, ça. D'accord. Comme ça. Ah wow. Ah wow. Ah wow. C'est ça ici aujourd'hui que je te présente. J'ai reçu ça lundi à l'impro. Ok. C'est vraiment n'importe quoi. Là. C'est Frozen, ok? Le Disney Frozen. Let it go! Oui. Ça, là. Let it go! C'est des bonbons éclatants, des popping candy. Ok. Mais à saveur de raisin. Ah, à saveur de raisin? Ouais. Je me dis que ça serait le fun que tu l'essayes puis qu'on essaie de parler en même temps que tu manges des popping candy. Ok, c'est juste moi qui les essaye. Ouais, ben j'ai juste une enveloppe. Est-ce qu'on le fait dans le... Dans le micro magique, ouais. C'est notre amie Vanessa Fortier de la Luitre qui nous offre ça. Il y a comme une petite fente, je vais essayer de... Ah, bon, ça fait pas beaucoup de bruit. Le sac est ouvert. Êtes-vous prêt? Je pense que oui. Attention, il va se mettre dans la bouche et la bouche dans le micro même. Wow! Wow, ça fait tellement de bruit! Hey, j'ai pété. Ah! Si j'allume les deux micros en même temps. Et ça continue longtemps, hein? Est-ce que ça goûte le raisin un peu? Mais c'est malade comme ça! Ah, ça fait mal! Ben, ça doit! Hey, ça pétille, là! Waouh! Hey, ça... À cause que c'est au raisin, c'est comme ça s'essurette un peu aussi, ouais, hein? Ouais. C'est quelque chose. Donc, ça goûte le raisin, mais le raisin chimique qu'on a dans le jus de raisin. Là, ça veut pitié combien de temps par là que je... Je sais pas, c'était l'expérience que je voulais qu'on vive ensemble un matin. Une chance que tu me l'as rappelé. Ben, hey, ça pétille dans le gorge. Hey, on l'entend encore pendant que tu parles. Ouais, ça... Il en reste en plus, attends. Ah, une autre batch. Incroyable. C'est spécial. Ouais, une chance que t'as juste essayé ça une fois dans ta vie. Hein. Ouais, ouais, ouais. Ah, wow. Donc, c'est Disney Frozen bonbon éclatant, c'est ça? Ça goûte pas beaucoup le raisin, mettons. Okay. Là. Mais pour pétiller, là, ça pétille. Sur un méchant temps. Hey, vous avez entendu, le plaît, ça pétille encore dans ma gorge. Aucun sens. Merci, Vanessa Fortier de la Luitre. Oui, merci pour ce moment. C'est ça. Ce moment de radio très réussi. On va écouter une autre pièce. On se fera. Je suis pas sûr qu'on va avoir le temps de faire des assemblages aujourd'hui. Je suis pas sûr. Je pense pas. On va voir. On essaiera. Pour l'instant, on va écouter Les Sœurs Boulées avec Andaman Island. Ah, cette chanson qui rime pas partout. Non. Bon, on l'aime de même à Assemblage Reiki. On écoute ça et après ça, un petit bout probablement d'instructions assemblage pour remplir le temps. Quand même. Mais qu'on fasse de quoi pour les 20 dernières minutes? Ben oui, pas choix. Bouche d'argent et joue rougie, j'aurais voulu plus jamais dormir dans mon lit. Des petits cailloux dans ton châssis, me laisserais-tu entrer pour ma dernière nuit? Je sais que t'es une bête sauvage, c'est tous tes amis qui me l'ont dit. Je parle pas tout à fait ton langage, moi j'ai peur des loups, puis j'ai pas d'amis. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté. Mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu, nous deux, ça se prend take out. T'es meilleur à roche, papier, ciseaux. Pis pour faire des ronds de boucan dans l'eau. Mais je veux plus gagner à tous les jeux. La guerre en amour, c'est pour les peureux. Je pourrais pas dormir cette nuit. passe pour oui. Je te ferai à croire que c'est le hasard qui a décidé. Montréal, c'est vrai que c'est pas la porte d'à côté. Mais ce que je voudrais le plus, c'est te ramener avec moi. Quand il fera beau, tu pourras même enlever tes souliers. Ce qu'on a vécu, nous deux, ça se prend des cartes. Deux âmes qui se connaissent, c'est difficile à trouver. Si t'es comme les loups, c'est sûr que tu m'oublieras pas. Mais si la chance est mal commode, s'enfarge les pieds. T'étais beau, t'étais fin, pis bye. Ah, oh, ça, entendre des choses comme ça, ça me rend triste. Oh. Andaman Islands par les Sœurs Boulay à Assemblagerie. Mm-hmm. Est-ce que on va commencer par mon affaire en premier, hein? Ok, vas-y. Ok, donc oui, c'est le moment de s'apprendre quelques affaires avant de passer à d'autres choses et de terminer l'émission ou presque. C'est le moment de se donner quelques instructions d'assemblage. Nous vous remercions d'avoir acheté le machin. La poursuite de ces instructions vous conduira à son assemblage. Étape 1. Prenez d'abord le bidule et l'insérez tout au fond du tige numéro 2. Retournez ensuite la tournevis numéro 24 contre vous. Prenez quelques vis numéro 77 et boulinez aux charpentes numéro 39. Serrez ardemment avec la clé numéro 17, pliez le tige numéro 45A. Ouais, mais ça marche pas. C'est les instructions d'assemblage. Ça marche pas, la chronique. Où on se donne des trucs pour mieux vivre. Et on commence avec quelque chose que j'aurais facilement pu mettre dans à peu près n'importe quelle autre chronique. Comme dans Sexy, ça devrait pas là, j'aurais pu mettre ça là. OK. Dans le pub, parce que c'est pour faire la pub pour un magasin. C'est de revenir sur un conseil que Stéphanie Paradis nous a donné hors ronde la semaine passée. Oui. En tout cas, je crois que c'était hors ronde. Par rapport à Target. Mm-hmm. On sait que Target est fermé au Canada depuis un an, un petit peu moins d'un an, sur ouais, mars, je pense, cette année. Et ça me rend triste. J'étais allé seulement chez Target une dizaine de fois. À chaque fois, j'étais en amour complètement avec la place et j'essayais de pas y aller trop souvent parce que j'ai dépensé beaucoup, beaucoup d'argent. Et quand j'ai su que ça allait fermer, je suis pas retourné. Oh non! Parce que je voulais pas me faire de peine. Ah, ok. Je voulais pas retourner là-bas pour faire comme ah, oh, Colin, ah, oh, ça c'est le fun, ah, oh, ça j'aime ça, ah, oh, ça c'est le fun, Starbucks. Je voulais pas faire ça, donc je me suis dit, gars, j'y retournerai pas, je vais faire mon deuil tout de suite, et ça a fonctionné, j'y ai pas vraiment repensé. Mais quand Stéphanie m'en a reparlé, que Target.com livrait dorénavant au Canada, j'ai capoté ben raide. Ah, y a de quoi capoter, là. Et là, j'ai vraiment envie de magasiner plein d'affaires. Là, je suis sur le site en ce moment, et il y a un pop-up. Parce que, bon, le site de Target.ca ne fonctionne plus. Il est fermé, il n'existe plus. Ouais. C'était un site indépendant, il n'y avait presque rien sauf leur circulaire. Le site américain Target.com est maintenant rendu aussi canadien. Et quand tu arrives sur le site Target.com, il y a un pop-up qui dit « Nous shippons maintenant au Canada ». C'est écrit en anglais pour commencer. J'imagine qu'il y a une version française, je ne suis pas trop allé voir parce que justement, je ne veux pas fermer le pop-up parce que je veux vous dire les informations précisément. Donc, ça dit « Now shipping to Canada ». C'est maintenant facile de magasiner du Canada avec tous les prix en dollars canadiens. Pour commencer, c'est même marqué CAD à côté pour être vraiment clair. Les charges de douane et les taxes sont calculées lorsque vous achetez. Okay. Les taux de les prix d'envoi de manutention tout ça ne sont pas élevés. On dit donc low shipping rates. Et c'est garanti qu'il n'y aura pas de charges additionnelles à la livraison parce qu'ils s'occupent des douanes et vous les font payer à l'avance, pareil comme Amazon US. C'est vraiment parfait. C'est absolument pratique. Donc, les informations sont disponibles sur le site web. Et si vous êtes, si vous voulez shipper quelque chose à quelqu'un d'autre qui est aux États-Unis, vous pouvez quand même cliquer sur la version canadienne du site, mais qui va envoyer shipper ça aux États-Unis. Et en plus, ce qui est le fun en ce moment même... Live là pendant que la chronique a lieu le 19 novembre et c'était comme ça depuis le début de la semaine. Si vous entrez le code Canada Ship, vous avez 20$, non pas 20%, 20$ canadiens soustraits à vos achats de 100$ ou plus, ce qui vaut probablement les taxes et les douanes dans ce coin-là. Ouais, à peu près. Donc vous économisez pas mal et ça vaut vraiment, je trouve, la peine pour du stock de chez Target que j'ai vraiment envie d'avoir. Je suis d'accord. Donc Target.com, ça devrait détecter que vous êtes au Canada instantanément et vous devriez avoir rien à faire de plus que d'entrer le code Canada Ship pour avoir votre 20$ de rabais. Donc c'est ça, c'est une pub, c'est des achats et c'est un truc, mais j'ai choisi de mettre ça dans les instructions d'assemblage parce que c'est moi qui décide. Mais c'est parfait. Ensuite, déterminez comment d'alcool vous allez avoir besoin lors d'un party avec une très simple formule. Ok. Nous dit-on. Donc c'est quand on fait une fête, il faut bien planifier ses affaires et avoir assez d'alcool. Il n'y a rien de plus triste que de manquer d'alcool avant la fin et d'être obligé d'aller en acheter d'autres. Ça, c'est vrai. Donc, quand on essaie de faire une fête avec un petit budget, c'est ça, il faut quand même prévoir les affaires d'avance. Et on parle au blog Five and Spice et on partage une règle simple. OK. On dit qu'en moyenne, les gens vont boire deux verres pendant la première heure et ensuite un verre par heure après ça. Est-ce que ça te semble honnête ou est-ce que ça te semble, pour toi, sous le nom reconnu, Yvette de la porn, des références à plutôt la mission d'aujourd'hui, oui. Est-ce que c'est quelque chose de véritable? Je dirais quasiment oui. Oui? Colin, cool. Ouais. Ouais? Bon. Donc, la fille de Five and Spice a parlé à ses amis dans le business des magasins d'alcool et aussi dans les buffets, donc où souvent il y a de l'alcool qui est fourni gratuitement. Oui. Et donc, on a compté ce que les gens prenaient en moyenne. Deux verres pour la première heure et ensuite un verre par heure après. Mais je serais quasiment tentée de dire trois verres dans la première heure. Peut-être, hein, j'avoue moi aussi. Mais ça dépend comment gros sont les verres, en fait. Exactement, ça dépend tellement de la grosseur des verres. Et on dit que, donc, si on fait une fête de 4 heures, par exemple, on devrait planifier à ce que chaque invité boive environ 5 verres en 4 heures. OK. Moi, pour moi, ça me semble juste, mais peut-être un de plus, mettons, pour la chance. Ouais. Un de plus pour la route. Oh, c'est ça, calculons un de plus pour la route. Mais pas littéralement pour la route, hein? Non. Donc, pour la bière, c'est facile à calculer parce que la plupart viennent en bouteille ou en canette. Mm-hmm. Mais pour de l'alcool plus fort, on peut y aller entre 15 et 20 verres par bouteille environ. Si les personnes prévoient boire du vin, il y a une calculatrice de vin disponible en lien dans l'article sur assemblagerequis.com. Donc, planifiez votre party avec ce lien-là. Mm-hmm. Ensuite, si t'arrives pas à trouver une bonne idée, on te dit de fusionner deux idées. Tu sais comment j'aime les smooches? Oui. Comme prendre le nom de Maud Audet et de faire Maudet avec. Mm-hmm. Ça s'appelle un smoosh. Donc, peu importe le temps que tu passes devant une page blanche, ça va pas, par magie, probablement te donner une bonne idée. Peut-être que si tu sors une tempête d'idées, un brainstorm avec du monde, ça pourrait sortir des bonnes idées. Mais des fois, ça peut être difficile avec le syndrome de la page blanche. Donc, on se demande si on peut combiner deux choses génériques ou de mauvaises choses ensemble. Essayer de faire une bonne idée avec les deux. Donc, c'est celui qui s'occupe des bandes dessinées dans le New Yorker, Bob Mankoff, qui explique son concept de combiner deux autres idées pour en créer une nouvelle en faisant ce qu'on appelle des relations sexuelles d'idées. Donc, du idea sexe. OK, oui. Quand même assez simple. Donc, on prend deux concepts, peu importe s'ils sont supposés aller ensemble, et on voit ce qu'on peut faire avec les deux. Donc, les idées mises ensemble, ça comment dire, ça copule d'autres idées. Ouais, c'est ce qu'il dit. C'est ça. Donc, on commence en ayant deux choses. Par exemple, le paradis. Donc, le paradis, il y a des nuages, il y a une porte du paradis, il y a le Saint-Pierre, peu importe comment tu l'appelles. Mm-hmm. Donc, c'est un endroit où les gens veulent aller, c'est difficile d'entrer. Bon, peut-être que là, on a le paradis et on peut s'imaginer une boîte de nuit. Le boîte de nuit avec des bouncers. Donc, on combine un paradis avec un bouncer. Puis quelque chose comme ça, puis peut-être même que des immigrants mexicains, c'est à la frontière des États-Unis, à Messie. Donc, tu mélanges deux affaires ensemble qui n'ont pas rapport, puis ça te donne une grosse idée. Ah. C'est à peu près ça qu'il dit. C'est un exemple un peu... C'est pas tout à fait faux. C'est pas faux, puis ça pourrait faire, en effet, une bonne petite bande dessinée beaucoup trop classe et beaucoup trop snob dans le New Yorker que personne va comprendre. C'est vrai. Voilà. Ensuite, on revient à l'alcool un petit peu. Le Barnivore qui vous dit si votre alcool est végétarien. Ah! Végétarienne. Ah ouais? Donc, ça a l'air incroyable, mais il y a beaucoup d'alcool qui n'est pas vegan ou même végétarien. Ou végétalien, pour le mot vegan en français. Plusieurs marques utilisent des produits animaliers comme de la vessie de poisson pour filtrer. Ouais. Arrgh. Ouais. Ou encore des Beatles, c'est des scarabées, je crois. Je crois. Des scarabées pour le colorant de, okay, leur alcool. C'est tout à fait vrai pendant le processing. Donc, si ça vous dérange de goûter à des coquerelles, des scarabées et des poitrines, allô, des vessies de poissons. Des vessies de poissons. J'ai de la misère avec mes mots aujourd'hui. Non, mais là, c'est dégoûtant. Ben, justement, si ça te dérange et que tu veux faire ta végétarienne un petit peu, donc Food52 a compilé une liste de 15 marques qui sont vegan-friendly ou encore vegetarian friendly. Bon. Un bon endroit pour commencer. Donc, allez sur Barnivore, qui est barnivore.com. Et puis, c'est une liste compréhensive de plus de 20 000 marques de ces trucs-là végétariens, végétaliens. Mm-hmm. Dont la marque Basil Hayden, le préféré du blog Skillet. Il y en a pas beaucoup, hein, qui sont vegan? Pas tout à fait, non. Mais si vous cherchez quelque chose comme ça, des fois, il faut faire un petit peu plus d'efforts. Le rhum Appleton. La Grey Goose Vodka. Oh! Le gin Tanqueray. OK. Est-ce que c'est des choses que tu boirais normalement, toi? Ouais. Oh, calme, ben au moins, tu vois, ça a fonctionné. Tequila Patron. Si on va du côté de la bière, Heineken. OK. Goose Island. Corona. La Bex. Je te dirais que c'est pas mal ça pour dans ceux que qu'on connaît, ouais, mettons. Ben cool, au moins, c'est un bon début. Ouais. très bien. Puis il y a les vins aussi. Il y en a vraiment pas beaucoup dans les vins. OK. Ouais. Bon, ben donc une place pour commencer si ça vous intéresse. Mm-hmm. Le lien est sur assemblagerequis.com comme toujours. Ensuite, on nous dit d'utiliser du baume à lèvres pour protéger les fenêtres qui ont une drôle de forme pendant que vous les peinturez. OK. La plupart utilisent du ruban adhésif, du papier collant de peintre, de peinture, pour mettre autour des fenêtres des cadrages, etc., etc. À moins vous ayez une fenêtre qui est d'une drôle de forme, comme une fenêtre circulaire. Oui, oui, oui, oui. Ou une fenêtre mosaïque, là, tu sais, comment t'appelles ça déjà? Vitraux? Des vitraux? Oui. Comme ça. Donc, dans ce cas-là, on met une petite couche de baume à lèvres sur le coin de la vitre pour peinturer et ensuite juste enlever l'excès, l'excédent en passant par-dessus parce que c'est gras, donc ça adhère pas à la peinture. On fait ça avec les teintures aussi dans les cheveux. Ah, oui, j'ai. Quand tu fais chez la coiffeuse. C'est vrai, sur le tour de tête, etc. etc. Mm-hmm. Donc, on met ça sur la surface de la vitre, on utilise un Q-tip, un embout à. Oui. Vous savez de quoi je parle? C'est là. Ça. C'est là, cette affaire-là, le bâton récurrent. Oui. Supposément pour oreilles, mais qu'on n'est pas supposé mettre des oreilles, bref. Et puis on envoie la couche jusqu'à environ un demi-pouce du coin pour s'assurer que ça attrape autant de peinture que possible. Donc on va plus loin que la fenêtre, on dépasse un petit peu sur le cadrage. Et puis une fois qu'on est prêt à nettoyer ça, on nettoie le baume avec la peinture par-dessus avec une serviette sèche. Et puis cette méthode-là fonctionne pour toutes les fenêtres de drôle de forme, mais on peut aussi l'utiliser pour une fenêtre normale, même si elle est carrée et que vous n'avez plus de ruban adhésif, ça peut fonctionner aussi. Ensuite, faites une clé d'urgence pour des serrures simples avec un couvercle de canne. OK. Donc, si vous n'avez pas de place pour faire copier une clé ou encore que vous vous voulez pas payer pour ça ou encore, je sais pas, c'est fermé alors que vous voulez faire la copie de votre clé. Donc, c'est assez simple pour des clés qui sont simples avec leur forme simple. Okay, ce ne sont pas des clés compliquées. Donc, on nous dit, c'est une vidéo par un YouTuber qui s'appelle Dave Hacks qui montre comment c'est facile de copier à peu près n'importe quelle clé. On prend la clé d'origine, on la met au-dessus d'un briquet pendant juste assez de temps pour qu'elle commence à brunir un peu. Ensuite, on appuie la partie qui est maintenant foncée. Contre du ruban adhésif transparent. Une fois que tu as la forme de ta clé, tu vas placer le couvercle d'aluminium sur la canne vide. Mm-hmm. Tu vas placer le couvercle enlevé sur la canne vide et tu vas découper ta copie. Et il faut pas oublier que cette copie-là va être très très mince, ne devrait être utilisée peut-être que quelques fois et en cas d'urgence seulement. Ouais, c'est ça. Et donc ça dit que quand tu as besoin d'utiliser, tu vas tenir la clé vraiment tranquillement. La faire entrer dans la serrure très, très, très doucement. C'est sûr qu'il faut pas y aller de façon brusque. Hein? C'est ça. Tu vas tourner avec attention. Et la dernière affaire que tu veux, c'est justement de casser ce couvercle d'aluminium-là ou de peu importe, là, du métal, en tout cas, dans ta serrure. C'est vraiment pour les cadenas très, très simples. Tu sais, les cadenas qui ont souvent juste deux petites encoches, là, pour les... peut-être les... Les cadenas ouais, comment t'appelles ça? Pas les bibliothèques, les trucs à tiroirs là, en métal là, de bureau. Là. Les classeurs. Oui, les classeurs. Classeurs. Voilà, c'est ce que je cherchais. Ou les journaux intimes, peut-être aussi. Ah oui, ben c'est ça, j'y avais pensé. Voilà, c'est tout. On n'a plus de temps pour les instructions d'assemblage. On va vous laisser les liens sur assemblagerequis.com et on en fera une autre fois, probablement la semaine prochaine, pendant qu'on accueille l'animateur de Génie en liberté, Samuel Girard. Bonjour Samuel, ça va? Hey, bonjour, ça va très bien, vous autres? Ça va bien. Merveilleusement bien. Il nous reste juste assez de temps pour parler de ce qui s'en vient à Génie en liberté avec toi tantôt. Ben oui. Donc, petite émission spéciale, on se fait une thématique santé. Okay. Oh! Ouais, c'est ça. Donc, c'est Génie en liberté. Hein? Oh, oh, oh. On a parlé la dernière fois, tu m'as dit santé. Effectivement. Ouais. Hey, en passant, merci à Tania d'avoir souligné que tu avais peut-être des goûts de femme enceinte tantôt. Ouais. C'est très drôle. Je m'assume, mon niveau de féminité est un petit peu. Ouais, il est présent des fois. Très drôle. Non, ça pour en revenir au fait. Donc, on va commencer l'émission en parlant un peu de sexualité déviante. Ok. Ouais, déviante. Ouais, c'est ça. King peux-tu rester? Juste... Ah! Elle s'impose. Elle aime ça de même dans les relations sexuelles. Hey, oh! Mais c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que le grand rapport américain qui définit c'est quoi la sexualité dite normale fait maintenant en sorte qu'il y a plus de 57% de la population qui rentre dans la catégorie de sexualité déviante. Ben, voyons donc. Donc on et va c'est quoi? Aussitôt qu'on n'est pas sur la position du missionnaire, genre. Quelque chose dans le genre. Quand on n'est pas marié, quand on est en couple homosexuel, quand on est... Ouais, c'est tout ça, ça, c'est déviant. Ben, c'est ça. Donc là, je vais vouloir savoir. Donc, c'est un professeur du département de psychologie qui va tout nous dire de long en large c'est quoi cette histoire-là, puis qu'est-ce que lui en pense. Okay. Donc, ça devrait être assez cocasse comme discussion. Ça devrait, ça passe. J'imagine. Hey, je veux vraiment rester, là. Ben, tu resteras. On va au moins l'écouter, ça, c'est sûr. À 10h, on va parler avec le pharmacien. Ah, le beau pharmacien! Ben oui! Si populaire sur Internet. Exactement. Donc, c'est ça, il va nous accorder un 15-20 minutes pour parler de la sortie de son nouveau livre et peut-être un ou deux sujets de qu'est-ce qu'il a publié sur son site. Cool. Donc, ça devrait être assez divertissant. Comme d'habitude, en fait, on y avait parlé l'année dernière et ça avait été juste parfait comme entrevue. Une collègue qui a du mordant. Hein? Ouh, ah, très bien dit. C'est facile aussi. C'est ça. Après ça, ça va être le retour d'un chroniqueur qu'on a déjà eu dans l'émission. Donc, non, il y a combien d'anciens chroniqueurs qui reviennent avant la fin de l'émission? Non. Ben, trois. Trois? C'est pas si pire en deux ans d'avoir eu trois chroniqueurs. C'est fun. Non, en fait, quatre, j'ai oublié le chroniqueur d'astrophysique. C'est vrai. C'est pas grave. Pas important, pareil. Il va me pardonner. Donc, c'est ça. Donc, c'est James qui est étudiant en médecine qui va venir nous parler de la campagne de vaccination. Donc, ça a été un flop un peu l'année dernière. Évidemment, il veut nous amener des points d'un étudiant de médecine, comme quoi que c'est important de se faire vacciner et qu'est-ce qui s'est passé l'année passée pour que ça marche pas. Okay. Donc, lui, okay, il étudie dans le domaine. Ça devrait être assez droit au but comme information qu'on va avoir. Et évidemment, pour le temps qui va nous rester à la fin de l'émission, on va évidemment rendre hommage aux victimes de l'attentat de Paris. Ouais. Donc, ça, c'est sûr qu'on passait pas à côté de ça. Parce qu'évidemment, quand il y a de la violence, ben, on veut rendre hommage aux victimes parce que ça a juste pas de sens des événements comme ça. Tout à fait. Donc, ça va être ça pour Gina Liberté aujourd'hui. Ça commence à 9h30 jusqu'à 11h tous les jeudis matin. Ça repart les samedis à 10h si vous devez quitter dans les prochaines minutes, malheureusement. Exactement. Pour vous. Merci, Samuel. Fait plaisir. Bonne émission à toi et à Stéphanie aussi. Nous, ce sera la fin de l'émission pour aujourd'hui, pour cette semaine. On se retrouve lundi. On remercie Alexandrine Pichessir qui a participé à 7h30 tantôt. Mm-hmm. Merci à toi, Tania Baudin. Bien, merci beaucoup. Mathieu Plante. Ben, OK. Lundi à l'émission, on va avoir. Attention, on a David Ferron à 8h30. Avec oui, sa chronique La carte bleachée. Sinon, sur nos ondes à 11h aujourd'hui, il y a Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, la rediffusion du Mathieu Plante Show. À 17h, Palmarès du Monde. Et 19h, Très Blue, ça c'est fou. Le retour, il était absent la semaine passée. Denis et son équipe, en fait. Et ils reviennent avec leur casse de 2h. Donc ce soir, entre 19h et 21h, CIF.ca, assemblagerequis.com. Bonne fin de semaine. On se quitte avec. Purple Rage. Ouah. Ouais. De Dilly Dally. Oh oui! Bye, Tania! Bye, bonne fin de semaine!